نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الخامس في دراسة كتاب الشيخ العلامة الشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى، المورد العذب الزلال. C'est notre cinquième rencontre autour de cette étude du livre de l'éminence Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, Hafidhahullah Ta'ala, la source douce et abondante dans les critiques de certaines croyances et de certains actes. وقفنا عند قول المصنف حفظه الله تعالى: إن المنهج الإخواني بجميع فصائله من صرورية وقطبية وجماعة تكفير وحزب جهاد وتحرير وغير ذلك، كلها تتفق على الفكرة الحركية الحزبية الثورية، كلهم يدعون إلى التخطيط السري والخروج المفاجئ عندما يرون قوتهم قد اكتملت، وإن كانوا يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة. وإن من تتبع تصريحاتهم في الأشرطة والصحف والمقالات والكتب يتبين له منها. دونك نصم غيتلا Là où Cheikh il dit, Hafidhahullah Ta'ala, que la voix de l'Ikhwan dans toutes ces différentes tendances, que ce soit les sororites, ou là les Qutbi, ou là Jama'at Takfir, ou là le parti du Jihad et du Tahrir, tous ceux-là sont unanimes sur l'idée de la révolution, hein, sur l'idée du militantisme et du fait de se révolter contre les gouvernants. Tous ils appellent à des stratégies secrètes pour renverser le gouverneur et pour créer une révolution à surprise quand ils voient que leur force est complète, quand ils arrivent à atteindre ce qu'ils estiment bon au niveau de leur force. Même s'ils prétendent qu'ils font partie des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, car celui qui suit leurs déclarations dans leurs cassettes et dans les journaux et dans les tracts qu'ils distribuent, etc., et dans leurs livres, il lui apparaît certaines choses, comme va nous le citer Cheikh Hafidhahullah Ta'ala. يقول حفظه الله تعالى أنهم جميعا متفقون على جواز الخروج على الولاة وإن كانوا مسلمين موحدين يقيمون الصلاة ويحكمون شرع الله. وإليك هذا الخبر من كتاب الطريق إلى جماعة المسلمين. قال مؤلفه في صفة العضو النقيب البند السادس: الذي لا يستعجل الشيء قبل أوانه فلا يستعجل الثمار قبل نضجها، لأن من استعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرمانه. فنحن لا نستعجل إعطاء الصفة إلا بمقدار النضج، ولا نستعجل تنظيما قبل وجود لوازمه، ولن نستعجل تنفيذا لم يأتي دوره، ولن نستعجل إقامة الدولة قبل استكمال شروطها. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, ils sont tous unanimes, tous ces groupes qui les permet de se révolter, ils sont tous unanimes sur le fait qu'il est permis de se révolter contre eux, les gouverneurs musulmans, même s'ils sont unificateurs, même s'ils accomplissent la prière, même s'ils mettent en application les lois d'Allah Azza wa Jal. Et il dit, voici une annonce d'un livre qui s'intitule « La voie vers là, le groupe des musulmans ». Et dans ce livre, son auteur dit, en décrivant le membre majeur du groupe, le membre majeur, et comment il doit être. Et il dit, sixième point, le membre majeur, c'est celui qui n'est pas pressé à accueillir le fruit avant son temps, avant que le fruit ne soit mûr. L'une des caractéristiques de leur majeur, de leur membre majeur, c'est qu'il n'est pas pressé à accueillir le fruit avant qu'il ne soit mûr. Et il dit, car celui qui cueille le fruit avant qu'il soit mûr, il va être privé de ce fruit. Et il dit, nous ne sommes pas pressés à donner la caractéristique à un majeur tant qu'il n'a pas atteint une certaine maturité. Et nous ne sommes pas pressés à créer une organisation sans que le besoin ne s'en ressente pas. Et sans qu'il n'y ait pas les conditions. Et on n'est pas pressé à mettre en application quelque chose tant que le moment n'est pas venu. Le moment idéal pour la chose n'est pas arrivé. Et nous ne sommes pas pressés pour accomplir un état avant que les conditions ne soient complètes. هذا الكلام في هذا الكتاب الطريق إلى جماعة المسلمين وهو كتب رسالة دكتوراه كما قلت قبل البارحة رسالة دكتوراه كاتبها إخواني والذي أشرف عليها كذلك إخواني ويدافع فيها عن المنهج الإخواني يقول هذا الكلام والرجل عاش لأنه توفي رحمه الله والرجل عاش في دولة مسلمة تعلم فيها واستفاد ووصل إلى مرحلة الدكتوراة فيها فالسعودية لا تملأ عينيه ولا تكفيه مع أنها أحسن بلد في تطبيق حكم الله عز وجل يقول لن نستعجل إقامة الدولة هذه الدولة التي عاش فيها هو أليست دولة مسلمة قامت على التوحيد وعلى السنة وعلى نصرة التوحيد ونصرة السنة ومنهج السلف الصالح انظر هذا التخليط لا حول ولا قوة إلا بالله donc ce livre dont parle Cheikh ici qui est Tariq ila Jama'at al-Muslimin la voie vers le groupe du musulman c'est un livre avec lequel celui qui l'a écrit a soutenu son doctorat et c'est un ikhwani qui est mort et celui qui était là, qui a supervisé ce travail, est un ikhwani aussi. Donc le livre ne fait que l'éloge des ikhwans et il tape, il casse le sucre sur Salafia et sur les autres. Et donc ces paroles qu'il a citées, Cheikh, cet homme les dit alors qu'il a vécu dans un pays qui est l'Arabie Saoudite, il a profité du système d'enseignement de l'Arabie Saoudite jusqu'à arriver au degré de doctorat, mais il n'agrée pas le gouvernorat et le gouvernement et les lois qui sont appliquées en Arabie Saoudite. Alors que l'Arabie Saoudite fait partie des pays qui appliquent au mieux, avec les lacunes qu'il y a, au mieux la législation d'Allah Azza wa Jal. Et il dit dans ce pays, ils ne sont pas pressés pour accomplir, pour construire un pays alors qu'il est dans un pays musulman, dans un pays qui défend, qui a été, dont ses bases ont été faites sur le monothéisme, sur la défense de la sunna. Un pays qui défend le monothéisme, qui défend la sunna, et qui est construit sur, dont les principes qui l'ont fondé sont la voie du puiseur d'Allah alayhim. Donc regarde comment il mélange les choses, et comment il mêle les ambiguïtés. وقال في الصفحة التي بعدها في شروط العضو النقيب أن يعطي البيعة على الطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط للقيادة المنبثقة عن الأنظمة المعتمدة للجماعة أن يعطي البيعة على الطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط للقيادة المنبثقة عن الأنظمة المعتمدة للجماعة Il dit pour une autre condition de ce membre majeur, qui est déjà gradé, il faut qu'il donne son allégeance à obéir. Qu'il soit dans la difficulté ou dans l'aisance, qu'il obéisse aux ordres. Que ça soit dans le bien ou dans le mal, qu'il soit dans une bonne situation ou une mauvaise situation, il faut qu'il obéisse aveuglément aux ordres qui lui viennent de l'organisation agréée par le groupe. Pas n'importe qui, mais tout simplement à ceux de son groupe et à ceux de la hiérarchie du groupe. Hein? Donc, subhanallah, هذا يقوله ويجعله شرطا صفة للنقيب وهو في بلاد مسلمة وهو في عنقه بيعة لإمام مسلم وهو تحت ولايته إمام مسلم. فانظر. Et ceci il le dit alors qu'il est dans un pays, hein, dans lequel il a donné lui-même a donné allégeance à son au gouverneur de ce pays. Et regarde comment il oriente que le membre majeur doit donner l'allégeance à la direction du groupe. Subhanallah. T'as pas donné ton allégeance à l'imam? T'as pas donné déjà ton allégeance au gouverneur? ويقول حفظه الله تعالى أتدري أخي المسلم ما الذي يريد بقوله ولا نستعجل الثمرة قبل نضجها إنه يعني بالثمرة الأتباع ويعني بالنضج اكتمال القوة. الشيخ أحمد النجمي حفظه الله تعالى ده تيغير نوتر اتونسيون دي est-ce que tu sais frère en islam qu'est-ce qu'il veut dire par le fait de ne pas être pressé à cueillir le fruit avant qu'il soit mûr? Il veut dire par le fruit les disciples et les militants. Et il veut dire par le fait d'être mûr, c'est que la puissance et la force soient complètes. ولم يكن هذا المبدأ هو مبدأ القاعدة وأنه ترك من أتباع هذا المنهج في الدولة السعودية وأرض الحرمين لأن الدولة في أرض الحرمين دولة مسلمة 100% بل إن أتباع هذا المنهج وفروعه يسيرون في نفس الطريق. Donc, ça, ce n'était pas un principe dans la base, hein, cette condition qui a été citée. Mais il a laissé des disciples dans le pays de l'islam qui est l'Arabie Saoudite. Hein. Et les disciples de ces voies suivent le même chemin actuellement. Hein. Donc, il a laissé des poussins derrière qui ont grandi et qui sont devenus des aigles maintenant. فاستمع إلى وعليكم السلام ورحمة الله فاستمع إلى قول سلمان العودة في شريط هموم فتاة ملتزمة حيث يقول إنني أعتقد أن زمن الشكوى المجردة قد انتهى أو كاد ينتهي أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهات المختصة حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. نو الشيخ حفظه الله تعالى d'attirer notre attention sur ceux qui portent les idées de cette voie à l'intérieur de l'Arabie Saoudite et qui sont des têtes d'affiche. Il dit écoute, Cheikh Najmi nous dit écoute la parole de Salman dans une cassette. La cassette, son titre, il s'appelle Les soucis d'une fille musulmane, d'une fille qui se cramponne à sa religion. Et il dit, je crois que le moment de la plainte, que le temps de la plainte est terminé. La simple plainte, ce n'est plus son temps de se plaindre tout simplement. C'est fini ce temps. Et il explique, c'est-à-dire Salman, je veux dire par celui que le rôle des gens du bien et des femmes du bien, il n'est plus permis maintenant de s'arrêter tout simplement au fait de poser une plainte et d'aller voir les services concernés, de leur dire dans le quartier tel, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va plus. Non, c'est fini maintenant. وأقول والقائل سلمان كما كتب الشيخ هنا إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد الشكوى فقط قد انتهى لأسباب أهمها وكاد ينتهي لأسباب أهمها. إيه سلمان الشيخ أحمد حفظه الله تعالى دو كونتيني دو سيتي لا بارول ديال الشيخ سلمان il dit ce rôle qui est le fait de s'arrêter et de se contenter tout simplement de la plainte au service concerné, il est terminé. Ou il est presque terminé pour des causes qui sont les suivantes. أولاً لو كان هناك إصرار من القمم على منع ريح التغيير والفساد لأحكموا غلق النوافذ. Regardez. Pourquoi l'une des causes, en quoi ce moment de la plainte est terminé, comme dit Salman, si les gouverneurs, c'est eux qui sont concernés ici, s'entêtent à laisser passer l'ère du changement, ils auraient dû fermer bien les fenêtres. C'est un dénigrement. ثانياً ضغوط الناس لا يمكن إهمالها بحال من الأحوال الآن ونحن في عصر صار للجماهير فيه تأثير كبير فأسقطوا زعماء وهزوا عروشا وحطموا أسوارا وحواجز ولا زالت صور العزة الذين يواجهون الدبابات بصدورهم في الاتحاد السوفياتي بعدما قام الانقلاب الأخير الذي فشل لا زالت صور أولئك العزل يتدافعون في وجوه الدبابات بالآلاف بل بعشرات الآلاف حتى استطاعوا وهم لا يملكون رصاصة واحدة أن يقفوا في وجه ذلك الانقلاب ويفشلوه لا زالت ماتلة للأذهان وقد رآها العالم كله حية على الهواء في شرقه وغربه وهذا نقله الشيخ أحمد من كتاب القطبية. Deuxièmement, deuxième cause que cite Salman pour dire que le moment de la plainte est terminé, il dit la pression des gens, il ne faut pas la négliger maintenant. N'importe comment, la pression de la masse, il ne faut plus la négliger. Car nous sommes à une période où la masse a un impact sur beaucoup de choses. Et que la masse, on l'a vu à travers les événements qu'ils ont fait descendre certains leaders et certains gouverneurs et qu'ils ont qui se sont révoltés, ils ont fait anéantir certains empires. Ils ont détruit des barrières et des barrières. Et il dit les images de ces individus seuls qui font face à des chars avec leur poitrine en URSS après qu'il y a eu le dernier putsch militaire qui n'est pas arrivé à son résultat, elle dit, cette image est encore présente dans l'esprit des gens. Cette image de ce millier de gens qui n'ont pas d'armes à repousser les chars, etc., est encore présente dans l'esprit des gens. Alors qu'ils ne possèdent pas une arme, ou là qu'ils ne possèdent même pas une balle. Il dit, et Salman de continuer de dire, « Inna Salman » Au Cheikh Ahmed, Hafidhahullah Ta'ala, pour critiquer ce passage, il dit وهنا الشيخ أحمد ينتقد هذا الكلام ويقول وأقول إن سلمان يزعم أنه من أهل السنة والجماعة فهل من عقيدة أهل السنة والجماعة الخروج على الولاة؟ Et Cheikh Ahmed de critiquer ce passage de Salman et de dire Salman prétend qu'il fait partie des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna. Est-ce qu'il fait partie du dogme des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, le fait de se révolter contre son gouverneur? Et Cheikh Ahmed, de le reprendre et de lui dire, « Waïlla, fama ma'na qawluka a'ni anna dawra al-khayirin wal-khayirat » لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهات المختصة حصل كذا وكذا. الشيخ أحمد de continuer de lui dire, de l'interpeller, qu'est-ce que ça veut dire ta parole dans laquelle tu dis le rôle des gens du bien et des femmes du bien ne doit pas s'arrêter tout simple à la simple plainte et ne doit pas s'arrêter au fait de se plaindre au service concerné. Il est arrivé ceci, il est arrivé cela. والسبب الثاني على أن وقت زمن الشكوى انتهى عند الشيخ سلمان قولك ثانيا هذا نقد من الشيخ أحمد. ثانيا قولك لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى، حكمت بتحريم التوقف عند الشكوى، فما هو الذي يجب عليهم أن يفعلوه بعد الشكوى؟ الشيخ أحمد de lui dire. Encore c'est la critique du Cheikh Ahmed. Deuxièmement, tu as dit qu'il n'est pas permis de s'arrêter juste à la plainte. Qu'il ne faut plus s'arrêter sur le moment, hein, aux plaintes. Donc tu as décrété qu'il est illicite de s'arrêter tout simplement à la plainte. Donc, que doit-il faire après? S'il leur est interdit, tu leur interdis le fait de se plaindre. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? فيقول الشيخ أحمد ثالثا إطلاقك حكما شرعيا بالتحريم أو الوجوب أو الندب أو الكراهة يحتاج إلى دليل، فما هو الدليل؟ الشيخ النزمي lui dit troisièmement, le fait que tu donnes une sentence comme ça, une sentence de la législation, en rendant licite ou illicite quelque chose, ou là comme quoi il est préférable de faire quelque chose, ou là il est détestable de faire cette chose, a besoin d'une preuve. Où est ta preuve? Où est ta preuve? فيقول له الشيخ أحمد حفظه الله تعالى رابعا تجاوز الشكوى إنما يكون بأساليب العصر وهي المظاهرات والتفجيرات والثورات فهل أنت تزيجها يا شيخ سلمان أم ماذا؟ بين ماذا تريد. Quatrièmement, lui dit الشيخ أحمد حفظه الله تعالى, le fait de ne pas s'arrêter tout simplement aux plaintes, avec les moyens du monde moderne maintenant, ben ceci, dans le monde moderne, dépasser le moment de plainte se fait avec les manifestations, avec le fait de poser des bombes et avec les révolutions. Est-ce que toi, cher Salman, tu autorises ce genre d'acte? Éclaire-nous sur ce que tu veux. يقول الشيخ أحمد حفظه الله تعالى خامسا وإن كنت تجيز هذه الأساليب فما هو دليلك عليها وأنت الداعية الإسلامي والدليل لا يكون إلا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. إلى الشيخ أحمد de lui dire cinquièmement, si tu permets et tu rends licite ce genre d'acte et tu vois qu'on peut utiliser ce genre d'acte, à savoir poser des bombes, sortir aux manifestations, etc., et se révolter contre les gouverneurs, si tu utilises tous ces moyens-là, et ce style est licite pour toi, il est permis de le faire, c'est quoi ta preuve? Car tu es un prêcheur islamique, ramène ta preuve. Et la preuve ne peut être que le livre d'Allah, ou l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. ويقول الشيخ أحمد سادسا أذكرك يا شيخ سلمان بأن الأدلة تدل على تحريم الخروج بل وعلى تحريم المنازعة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن استأذن في الخروج على إمة الجور إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان ويقول ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة ويقول اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وفي حديث عبادة بن الصامت وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا فهل رأيت كفرا بواحا يا سلمان أم أنت مناقض ومضاد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما يخالك ترضى لنفسك هذا. Sixièmement, Cheikh Ahmed Najmi Hafdallahu Ta'ala dit, je te rappelle, ô Cheikh Salman, que les preuves sont irréfutables dans le fait qu'il est illicite de se révolter contre son gouverneur et interdisent le fait de concurrencer le gouverneur sur son siège, de le concurrencer pour sa place. Car le prophète alayhi salatu wassalam, quand les compagnons lui ont demandé est-ce qu'on se révolte contre eux, les imams qui sont injustes, il a dit sauf si vous voyez une mécréance claire de laquelle vous avez une preuve min Allah azza wa jal. Mais attention, je le répète encore une fois, ce n'est ni à moi, ni à toi, ni aux autres qui sont débutants dans la science de décréter qu'il y a une mécréance claire. Ça appartient aux hommes de science. On ne doit pas rentrer là où il ne faut pas rentrer. Les situations doivent revenir à qui de droit. Et si cette situation est sensible, hein, et il en va du sang de la communauté, du fait de préserver la communauté, d'un grand mal, du fait que le sang, de préserver le sang de la communauté, de ne pas ramener une perturbation au milieu de la société musulmane, c'est pour ça que ce domaine, il est réservé aux hommes de science. Barakallahu fikoum. On le cessera de le répéter, parce que vous voyez ce qui nous entoure. Hein? Vous les entendez dans les ruelles de Bruxelles et ailleurs, comment ils parlent des gouverneurs et comment, etc. Et ceci est faux. Et ce ne sont que des ambiguïtés. Ce ne sont que des appels à la haine contre les gouverneurs et contre les hommes de science. Il ne faut pas les écouter pour ce qui concerne ce genre de sujet, pour ce qui concerne toute notre religion. Nous devons nous retourner vers qui de droit ? Vers les hommes de science. Hein? Subhanallah. Pour toutes les spécialités, on va chez les spécialistes de la spécialité. Mais il faut faire de même pour notre religion. Et pour les sujets sensibles, encore plus, doubler de vigilance. Doubler de vigilance. Hein? Ouais. Et il dit aussi, celui qui a un gouverneur, et qu'il a vu que son gouverneur, il est tombé dans une désobéissance. Qu'il déteste l'acte qu'a fait le gouverneur. Qu'il le déteste avec son cœur. Il le blâme avec son cœur. Et il déteste la désobéissance qu'il voit. Hein? Et qu'il reste sous l'autorité de ce gouverneur. Et qu'il obéit à ce gouverneur de l'obéissance à Allah. Zawajal. Hein? Et Rasoul Salah nous a ordonné aussi. Il a dit, écoute et obéis à ton émir, même s'il te frappe, mais il prend ton argent. Et il est évident qu'un gouverneur qui te frappe et qui prend ton argent, il n'est pas juste. S'il était juste, il l'aurait fait. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous oriente vers ce qui fait le bien de toute une communauté. Hein? Vers quelque chose qui est un intérêt général. Hein? Et quelque chose qui va ramener la sécurité, la quiétude dans une société. Même s'il prend ton argent, même s'il te frappe, même s'il est injuste vers toi, tu obéis, tu écoutes et tu obéis. Et dans le hadith, Ubad ibn Samit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit, et vous ne concurrencez pas, il ne faut pas, ils ont fait l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas faire la concurrence au gouverneur sur sa place. Et ne pas vouloir la place du gouverneur, et ne pas combattre le gouverneur, sauf s'il voit une mécréance claire. Encore une fois, une mécréance claire, ce n'est pas à nous de la décréter. Et ce n'est pas les poussins des ZUP de la région parisienne ou de la bruxelloise ou autres qui doivent la décréter. Ce sont les hommes de science, Akhal Islam. Il ne faut pas se faire avoir par ces sites où on jette des choubouhats à longueur de journée sur les gouverneurs, sur les hommes de science. Il faut éviter de rentrer dans ce genre. Dès que tu entends qu'un dans un salon qu'on te parle sur les gouverneurs et sur les hommes de science, qu'on dénigre les pays de l'islam, les gouverneurs des pays de l'islam, sauve ta peau mon frère en Allah, Azza wa Jal, sauve-toi. N'écoute pas n'importe quoi. Tu vas te remplir d'ambiguïté pour rien. Et Cheikh Ahmed d'interpréter Salman et de lui dire, Ya Salman, est-ce que tu as vu, c'est-à-dire est-ce que tu as vu chez les gouverneurs de l'Arabie Saoudite une mécréance claire? Est-ce que tu as vu une mécréance claire? Ou alors tu es en contradiction et tu vas dans le sens contraire des enseignements du prophète alayhi salatu salam. Et lui dit à la fin, je ne crois pas que tu agrées cette situation pour toi. Je ne crois pas que tu agrées pour toi et à Salman, le fait d'être en contradiction avec la parole du prophète alayhi salatu salam et les enseignements du prophète alayhi salatu salam. Wa yaqul al-shaykh Ahmad, ha, fi an-naqd as-sabi', turid ya Salman an tazujja bin-nisa'i fi ath-thawarat wal-mudaharat wat-tafjirat ma'a anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lamma qila lahu 'ala an-nisa'i jihad, qala 'alayhinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal-umra. إن الله يقول الشيخ أحمد إن الله رفع عن النساء حكم الجهاد الشرعي وأنت تريد أن تزج بهن في جهاد غير شرعي كما فعل بعض أسلافك حين قال ويجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها. La septième critique du Cheikh Ahmed, Hafidhahullah Ta'ala, il dit à Salman, « Oh Salman, tu veux faire sortir les femmes, envoyer les femmes dans les ruelles, dans des manifestations, hein, et dans une révolution, et dans les révolutions, et dans le fait de poser des bombes. » Alors que le prophète, alayhi salam, quand on lui a posé la question, est-ce que les femmes, eux aussi doivent faire le jihad, il a dit non. Mais ils ont un jihad dans lequel il n'y a pas d'armes, il n'y a rien. C'est le Hajj et l'Umra, tout simplement. Et toi, tu veux les sortir dehors pour manifester et pour se révolter et pour mettre des bombes. Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit Cheikh Ahmed Najmi, hafidhahullah ta'ala, n'a pas fait obligatoire le jihad légiféré pour les femmes. Et toi, Salman, tu veux les sortir dehors, dans un jihad qui n'est pas légiféré, comme ils ont fait certains de tes aïeuls auparavant, quand ils ont dit qu'il est permis à la femme de sortir sans l'ordre de son mari. Taminan, يقول الشيخ أحمد في قولك وأقول إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد الشكوى فقد انتهى لأسباب. Le Cheikh de lui dire, et quand tu dis que le rôle du fait de s'arrêter tout simplement à la plainte est terminé, il est terminé pour des raisons. يقول الشيخ أحمد حفظه الله تعالى رادا على هذا الكلام لسلمان إنك بقولك هذا حكمت أو قررت بأن هذا الحكم قد نسخ وإنك بهذا القول قد اقترفت إثما عظيما وذنبا كبيرا لأنك حكمت بالنسخ وجعلت الناسخ من فعل الناس فهل فعل الناس يعد ناسخا لكلام الشارع الذي يحمل أوامره ونواهيه إلى المكلفين؟ الشيخ de lui dire, avec cette parole que tu as dit, يا سلمان, c'est-à-dire que le rôle de la plainte est terminé, qu'on ne peut plus, qu'il ne faut plus s'arrêter au rôle de la plainte, tu viens de instaurer une loi, tu viens de juger, et tu viens de décréter que le fait de s'arrêter à la plainte est abrogé. Et cher de lui dire, tu as commis un énorme péché ici, parce que tu as abrogé quelque chose et tu as fait que la chose avec laquelle tu as abrogé, c'est tout simplement les actes des gens. Tu as abrogé une loi d'Allah, Azzawajal, avec les actes des gens. Est-ce que maintenant, les actes des gens, c'est eux qui abrogent la parole du législateur? La parole du législateur qui porte les ordres et les interdits d'Allah, Azzawajal, à ses serviteurs, est-ce que cette parole d'Allah et de son prophète, alayhi salam, est-ce que on peut l'abroger avec la parole et les actes des hommes? Il cherche d'attirer son attention et de lui dire, « Wa shaykhu fi hadi al-faqra al-ukhra yunabbi wa yakulu lah, wa laytaka kulta qad turika ma hunalik, fa yakunu hada al-ta'bir mukhassisan lit-tabi'ati ala al-tarik. » ولكنك قلت هذا الدور قد انتهى أو كاد ينتهي لأسباب أهمها ثم وضحت فقلت أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف فجعلت بدل يجب أن يتوقف لا يجوز أن يتوقف أي جعلت بدل وجوب التوقف تحريمه بلا حجة ولا مستند فخالفت النصوص بل جعلت الحكم عكس ما دلت عليه النصوص فأعد للسؤال جوابا يعني أن الله سبحانه وتعالى سيسألك عن هذا. الشيخ d'attirer l'attention, الشيخ أحمد d'attirer l'attention de Salman dans ce passage, il lui dit, et c'est tout simplement, tu avais dit, cette situation, elle a été délaissée, c'est-à-dire le fait de s'arrêter à l'époque des plaintes, a été délaissé. Dans ces cas-là, ceux qui vont prendre, ce sont ceux qui ont délaissé. Mais tu as dit, il parle de Salman, tu as dit que ce rôle est terminé, ou presque il est terminé. Pour des causes, et tu as éclairci les causes. Et tu as dit, je veux dire par là que le rôle des gens de bien et des femmes de bien n'est pas permis qu'ils s'arrêtent tout simplement. Au lieu de dire, il faut qu'ils s'arrêtent là, au fait de se plaindre, tu as dit, il n'est pas permis qu'ils s'arrêtent à tout simplement à se plaindre. Et il a changé. Tu as changé le fait de s'arrêter à la plainte, dans le fait qu'il ne faut pas s'arrêter. Tu as autorisé ce qui n'est pas autorisé. Et en agissant ainsi, tu vas dans le sens contraire des textes. Et tu n'as aucune preuve là-dessus. Tu n'as aucune preuve sur laquelle tu peux t'appuyer là-dessus. Ce que tu as décrété est contraire au texte. Prépare la réponse au moment où Allah Azza wa Jal te posera des questions. قول له الشيخ فأعد للسؤال جوابا يعني سيسألك الله عن هذا يا سلمان وما ذكر هنا يقول يجب أن نفعل الفتن ما ذكر في هذه الفقرة أن دور الخيرين والخيرات قد انتهى هذا معناه يجب أن نفعل الفتن مع أن الله سبحانه وتعالى حرمها فمجرد الشكوى بالكلام انتهى هذا لا يجوز وربنا أوجب علينا الصبر هذا ما قرره المؤلف أي الشيخ أحمد حفظه الله تعالى في هذه الفقرة ويقول الشيخ أحمد للشيخ سلمان أعد للسؤال جوابا يا سلمان فإن الله سيسألك عن هذا التغيير والتبديل لحكم الله غيرت حكما واجبا فجعلته محرما أعد لهذا السؤال جوابا إذا سألك الله عز وجل دونك Cheikh Najmi, à la fin de ce passage, il dit à Cheikh Salman, prépare. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te poser des questions. Prépare la réponse. Parce que dans ce passage, ce passage, il incite à quoi? Il incite à tomber dans le fitan et aller dans les révolutions. Il incite, il ne dit que le fait de se plaindre par la parole au service concerné et aux autorités concernées, ou la leur écrit, etc., ceci est terminé. Hein? C'est fini. Le rôle de la plainte est terminé. Hein? Alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, fait obligatoire pour nous la patience, l'endurance. Hein? Et c'est ce qu'a confirmé Cheikh Ahmed Najmi dans ce passage que nous avons lu jusqu'à maintenant. C'est ce que nous confirme Cheikh Najmi, hafidhahullah, comme quoi il faut endurer, il faut patienter, il faut obéir, écouter à son gouverneur, pas se révolter contre son gouverneur. Hein? Et Cheikh Ahmed de lui dire prépare la réponse pour la question que Allah subhanahu wa ta'ala te posera car tu as changé un jugement d'Allah azza wa jal. Tu as changé un jugement d'Allah azza wa jal. Quelque chose d'obligatoire tu l'as rendu illicite hein? Ben, il faut préparer la réponse pour le delà. تاسعا في منطقة الشيخ أحمد حفظه الله تعالى على كلام الشيخ سلمان أنك أبحت منازعة السلطان أهله بل أوجبت ذلك معاكسة ومضادة لأمر الشارع الذي جاء بالصبر على الولاة وإن جاروا وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال وهذا إيجاب للمنازعة ولعله تجويز للخروج فهل علمت أنك بذلك قد قدمت ما قرره منظر المنهج سواء كان فلانا أو فلانا وأخرت ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفت ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من تحريم الخروج والمنازعة فهل بعد هذه الأدلة من مخرج لمن يقول بجواز الخروج والمنازعة التي يعبر عنها بالتحريض والتهييج والإطارة إنها مخالفة للأدلة ولما أجمع عليه علماء الأمة ويقول الشيخ حفظه الله أرجو أن يوفقك الله أي يدعو للشيخ سلمان أرجو أن يوفقك الله للرجوع إلى الحق لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. 9e point, 9e critique sur cette parole de Salman. Cheikh Ahmed de dire à Salman, hein, tu as autorisé le fait de concurrencer le gouverneur sur leur poste, sur leur place. Mais tu as même fait obligatoire ceci. Et ceci va à l'encontre et contraire aux ordres du législateur qui nous a ordonné d'endurer et de patienter sur nos gouverneurs, même s'ils sont injustes, mais s'ils ont frappé notre dos et ils ont pris notre fortune. Et toi, tu as fait obligatoire le fait de se révolter contre eux, tu as fait obligatoire le fait de les combattre et de sortir contre eux. Et peut-être que ça, de ta part, c'est une permission de la révolution. Et ils lui disent que tu sais, en agissant ainsi, que tu es en train de confirmer ce que les théoriciens de ce manhaj, le manhaj de l'Khawarij, que ce soit tel ou tel ou tel, tu as mis en avant leur théorie et tu as mis en arrière les ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit là, en agissant ainsi, tu as mis en avant les théories de ces théoriciens de l'Khawarij, que ce soit tel ou tel ou tel, et tu as mis en arrière, et tu as acculé en arrière les ordres du prophète alayhi salatu wassalam, et ainsi tu as été en divergence avec les points sur lesquels sont unanimes les gens de la sunna, et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Il voit le fait qu'il est interdit de se révolter contre son gouverneur et de le concurrencer sur sa place. Et cher de nous interpeller tous et de dire, est-ce qu'après ces preuves, il y a une issue pour celui qui rend licite le fait de se révolter et le fait de concurrencer les gouverneurs. Et ils disent qu'il est illicite aussi, dans le passage, est-ce qu'il est illicite aussi d'allumer les foules contre leurs gouverneurs et d'exciter les gens et de les allumer contre leurs gouverneurs. Tout ceci va à l'encontre de la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam et du consensus sur lequel sont les plus aïrdouallah. Et à la fin, il lui fait un dua, il en est ainsi des hommes de science et de ceux qui suivent leurs plus aïeuls. Quand ils font une nasiha, ils critiquent les erreurs sans gêne, parce que c'est un devoir pour eux. Et après, ils font du dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse revenir celui qui est tombé dans l'erreur vers la voie droite. Et il lui dit, ah, j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse revenir à la vérité. Car le fait de revenir à la vérité est un bien. Et le fait de rester et de s'étaler dans l'erreur et de s'entêter dans l'erreur, c'est le faux et le blâmable. Hein? Donc, ceci est très important. Les hommes de science font la critique, mais en même temps, ils font des dua. Et leur souci principal, c'est que la personne revient à la vérité. Ils ne critiquent pas pour critiquer, comme le disent ceux qui n'aiment pas les hommes de science, et etc. Ils ne critiquent pas pour critiquer, mais tout simplement pour montrer, attirer l'attention sur les erreurs, qu'ils fassent attention à ces erreurs, et aussi, ils font des duas pour la personne qui est tombée dans des erreurs pour qu'il revienne à la voie droite, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse revenir à la voie droite. وَقَرِيبًا مِنْ قَوْلِ سَلْمَانِ فِي التَّحْرِيدِ عَلَى الْخُرُوجِ قَوْلُ عَائِدِ الْقَرْنِ فِي قَصِيدَةِ اللَّهُ بِعُنْوَانِ دَعِي الْحَوَاشِيَ وَخْرُجْ نُشِرَتْ فِي دِيوَانِ في ديوانه المسمى بلحن الخلود يقول صل ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة تترك الساحة للأوغاد ما بين قزم مقرف يلوي الزمام أو دعي فاجر أوقع في أمتي جرحا أبى ذاك التئاما لا تخادعني بزي الشيخ ما دامت الدنيا بلاء وظلاما أنت تأليفك للأموات ما أنت إلا مدنف مدنف حب الكلام كل يوم تشرح المتن على مذهب التقليد قد زدت قتاما والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حساما لا تقل شيخي كلاما وانتظر عمر فتوى مثلكم 50 عاما والسياسات حما محذورة لا تدانيها فتلقيك حطاما ويقول الشيخ حفظه الله تعالى ماذا نقول يا عائض ماذا نقول يا عائض؟ نقول نزوة شاعر ومبالغاته يمكن هذا لو كان الشعر في أمور الدنيا أما في أمور الدين فلا. Et proche de ça, proche des paroles de Salman, les paroles de Aïd al-Qarni. Cheikh, il insiste dans ce passage, dans cette traduction là-dessus, parce que il a parlé du khuruj, etc. Il parle des emblèmes, des têtes. Parlons pas sur les têtes, les emblèmes qui sont des têtes d'affiche. Maintenant, les références des frères d'Yel Tkfir à Bruxelles et à Yorsegui. Hein? Ah, El Salman, Kada, c'est. Et donc, proche de la parole de Salman, dans le fait d'inciter les gens à se révolter, la parole de Aïd al-Qarni. Dans une poésie. Et le titre de la poésie, regarde. Da'i l'hawashi wakhruj. Laisse les marges et sort. Tu sais ce que c'est que les marges? Les marges qui est sur à la fin du livre, ou à droite, ou à gauche, ou en bas. Laisse les marges et sort. Hein? Et révolte-toi. Laisse la science. Ouais, il a été publié dans un grand recueil de la poésie de Aïd qui s'appelle Lahnul Khuloud, les mélodies de l'éternité. Il dit, le premier point, il dit, prie ce que tu veux, et jeûne ce que tu veux. La religion ne connaît pas celui qui adore, qui prie et qui jeûne. Et la religion, s'il ne reconnaît pas celui qui prie et qui jeûne, il reconnaît qui? Tu as un rabbin parmi les rabbins, tu as un curé parmi les curés, tu ne fais pas partie d'Ahmed. Ça te suffit le fait de se lamenter. Ça suffit les lamentations. Tu as un curé parmi les curés. Tu ne fais pas partie d'Ahmed. Ça suffit les lamentations et les plaintes. Tu laisses Saha. Saha, c'est un terme. Hein? C'est un nouveau terme qui est arrivé avec l'Ikhwan et les militantistes. Ils ont des termes. Donc Saha. C'est-à-dire, tu laisses le terrain aux méchants, hein, qui serrent les situations. Hein. Ou là, certains qui prétendent être des gens de bien, alors qu'ils sont des pervers, et ils ont blessé ma communauté, et sa blessure ne veut pas se cicatriser. Ne me trahis pas avec la vie d'El Cheikh. Regardez. Ne me trahis pas avec la vie d'El Cheikh, tant que ce bas monde, il est preuve et ténèbres. Subhanallah. Et où est-ce qu'il dit ce poème? Ah, il le dit dans la terre de la lumière, dans la terre du monothéisme, dans la terre de la sunna. Tes écrits, il parle sûr, sont pour les morts. Tu n'es que quelqu'un qui va dans sa perte avec et que tu aimes la parole. Par ton amour de la parole, tu vas vers ta perte. Tu es quelqu'un qui cherche ta perte. Il parle à qui? Aux hommes de science. Chaque jour, tu expliques un épître selon la voie de l'imitation, tu n'as fait rajouter que des ténèbres. C'est-à-dire, tu n'as rajouté que des voiles pour empêcher le fait de voir. Subhanallah. C'est comme ça. C'est-à-dire que Cheikh Al-Utaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, quand ils expliquent des livres, ils ne jettent que les voiles pour empêcher la vue des gens. Et les marges noires, tu t'es trop occupé avec les... Hein, les marges noires, il t'a utilisé trop de marges. Quand tu as eu peur de l'injuste, de qui il parle? Du gouverneur. Ne dis pas à mon cheikh une parole et attends la fatwa. Peut-être tu vas l'attendre 50 ans. Ainsi pas. Les politiques sont trop chaudes et sont interdites. Hein? Ne les approche pas, peut-être qu'ils vont t'envoyer hein, à ta perte, etc. Ici, Cheikh Ahmed il dit à A'ed, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise à A'ed? On peut dire que c'est un délire, une exagération de poète. Mais si c'était une poésie dans ce bas, concernant ce bas monde, il n'y a pas de problème. Mais là, elle concerne la religion. Si c'était une poésie concernant ce bas monde, il n'y a pas de problème. Mais là, elle concerne la religion. Alors non. ماذا نقول يقول الشيخ أحمد حفظه الله تعالى أنعدد لك النصوص التي تجعل الصلاة والزكاة والصوم والحج أهم فرائض العبادات العملية بعد الإيمان وأنت تعرفها ألست ترى أن من حقك أن تقول صدق الله ورسوله وكذب شعري حين أقول صل ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام ثانيا إن الدين يعرف العابد من صلى وصام ووحد واستقام وليس كما قال شعر عائض القرن رده الله إلى الحق ردا جميلا وعانه على نفسه وشيطانه ونقول آب Donc, Cheikh Ahmed, de commencer la critique de ses poèmes, il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Tu veux qu'on te cite les textes qui font que la prière, l'aumône, zakat, le jeûne, le hajj, sont les principaux obligations de l'adoration au niveau des actes après la foi. Et toi, tu le connais. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas. C'est un docteur. Hein? Ce n'est pas n'importe qui. C'est un docteur. Hein? Est-ce qu'il ne t'appartient pas de dire « Allah a dit vrai et son messager a dit vrai et ma poésie a menti au A'ed » Il interprète, lui dit, est-ce qu'il ne t'appartient pas à dire qu'Allah a dit vrai, de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit vrai, le prophète a dit vrai, et que ta poésie c'est un mensonge. Parce que quand il a dit, prie ce que tu veux, et jeûne ce que tu veux, la religion ne connaît pas l'adorateur, ne connaît pas comme adorateur celui qui prie et jeûne. Deuxième point, hein, où il le reprend cher ici, il dit, la religion, pour elle, celui... L'adorateur dans la religion est celui qui prie et qui jeûne et qui accomplit le monothéisme et qui est dans la droiture. Et non pas, comme a dit la poésie de A'ed. Qu'Allah subhanahu lui fait un dua. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le ramène à la vérité. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide à prendre le dessus sur lui-même et sur son shaitan. Encore une fois, il réplique. Il lui fait dua en même temps. Parce que l'essentiel, c'est d'attirer l'attention sur les erreurs que les gens ne tombent pas, et aussi attirer l'attention de la personne qui est tombée dans l'erreur pour que il corrige et qu'il revienne et qu'il ne retrouve pas Allah Azza wa Jalla avec ses énormités. هذا le but ديال المشايخ حفظهم الله تعالى. Et le but ديال النصيحة. ثالثا وبعد ذلك تأتي قاسمة الظهر وفاقرة الفواقر في البيت الثاني إذ جعلت المسلمين المصلين المزكين الصائمين العابدين لله على شريعة عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم جعلتهم قساوس ورهبانا حكمت عليهم بالنصرانية وأخرجتهم من الإسلام أين ذهب عقلك؟ وكيف سلب لبك حين تقول أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة La troisième critique dans cette poésie, Cheikh de lui dire, et voici celle qui casse l'eau complètement. Dans le troisième vers de cette poésie, puisque tu as fait des musulmans, de ceux qui prient, de ceux qui s'inquiètent de la zakat et qui jeûnent, ces adorateurs sur la législation d'Allah et de son messager alayhi salatu wasalam, t'as fait deux des curés. Tu les as jugés comme quoi ce sont des chrétiens. Et tu les as sortis de l'islam. Oui, partie ta raison. Oui, partie ta raison. Comment? Hein? Tu leur dis, tu es un curé. Hein? Et tu n'appartiens en rien à Ahmed. فبرأتهم من أحمد. النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه وبرأته منهم وأكدت تكفيرك للمسلمين بدون ما يوجب الكفر فارتديت جبة الخوارج الذين قال عنهم سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وقال عنهم كلاب النار أفترضى لنفسك هذه الصفات؟ Et tu les as innocentés de la voix de Mohammed alayhi salatu salam, lui dit Cheikh. Et tu as fait désavouer Mohammed alayhi salatu salam d'eux. Et tu les as désavoués d'eux, Mohammed alayhi salatu salam. Et tu as confirmé le fait que tu rends les musulmans mécréants sans le droit de les rendre mécréants. Sans qu'ils aient commis quelque chose avec laquelle ils tombent dans la mécréance. Et ainsi tu t'es habillé avec l'habit d'Al Khawarij, duquel le prophète alayhi salam a dit qu'il sorte de la religion comme sort la flèche du gibier quand il est tiré, quand il est traversé par la flèche. Et il a dit d'eux, ce sont Kilab al-Nar, les chiens de l'enfer. Est-ce que tu voudrais t'agréer ces attributs pour toi ou A'ed? فإن قلت يقول له الشيخ حفظه الله تعالى فإن قلت حصل مني هذا قديما أما الآن فلا أقول به وأقول إذا كنت قلته قبل أن تكتمل بنيتك العلمية فلما تركته يطبع ولما تركته ينشر الشيخ de lui dire et si tu dis que ceci je l'ai dit il y a très longtemps mais aujourd'hui je ne dis pas la même chose الشيخ de lui dire moi je te dis si tu l'as dit avant que tu sois complet et avant que tu aies atteint avant d'être mûr dans la science, pourquoi tu le laisses éditer maintenant? Pourquoi il est propagé, tu le laisses se propager et qu'il soit édité? Si tu dis que ça, je l'ai dit avant que j'ai atteint un degré de science, pourquoi tu le laisses éditer toujours et qu'il soit propagé? Rabi'an yaqulu al-shaykh hafidhahullah ta'ala ala tara anna uslubaka hadha uslubun thawri istifzazi wa hal tara min al-maslahati nashruhu aw wa'duhu wa dafnuhu. Et quatrièmement, le quatrième point que lui reproche Cheikh Ahmed, il dit que ne vois-tu pas que ce style est un style révolutionnaire, et tkfiri, et provocateur? Est-ce qu'il ne fait pas partie de l'intérêt qu'il ne soit pas propagé, qu'il enterre complètement? Qu'il soit enterré? Wa aqulu amma jawabuka fa huwa ma'lumun min tasarrufika ay bi nashr hadha ad-diwan ala ma fihi min akhta'in fadiha wa in إن سماحك بنشره تماد وإغال في الخطأ. Le cheikh de lui dire, ta réponse, je la connais de ta façon de faire. Le fait que ce recueil de poèmes est propagé, avec les énormes erreurs qu'il y a dedans, le fait que tu autorises à ce qu'il soit propagé, cela veut dire que tu t'aventures encore plus dans l'erreur. Tu t'étales dans l'erreur. خامسا يقول الشيخ إن ولاة الأمر في بلدك مسلمون ولهم إصلاحات كثيرة وفيهم خير كثير وأنت ممن يتمتع بهذا الخير ويرفل في أتواب عافيته أفلا شكرت الله على ذلك؟ Et cinquième point que dit Cheikh Ahmed, Cheikh Aïd, les gouverneurs de ton pays sont musulmans et ils font beaucoup de bien. Il y a un grand bien en eux et tu es le premier à profiter du bien qu'il y a dans tes gouverneurs. Et tu es le premier à profiter de ce bien. Remercie Allah Azza wa Jal pour cela. فيقول له الشيخ حفظه الله تعالى تذكر يا شيخ عائض أنت ومن معك على هذا المنهج وتخدعون الشباب بهذه الأساليب أن الدولة ربتكم في مدارسها ومعاهدها وكلياتها وأنفقت عليكم الأموال الطائلة حتى وصلتم إلى ما وصلتم إليه ثم تجزونها جزاء سنمار. جزاء سنمار يقال جوزية، جزاء سنمار لمن جوزي على الإحسان بالإساءة. هذا سنمار بنى قصرا للخم، وعندما أتم القصر حتى لا يبني لأحد آخر رماه اللخم من فوق القصر، فكلما أحد جوزي جاز الإحسان بالإساءة يسمى جوزية. دخلت في كلام العرب جوزية جزاء سنمار. وتعصون الله ورسوله ثم تجزون جزاء سنمار، وتعصون الله ورسوله بالاستفزاز لها والإثارة والتأليب والإغراء بالخروج عليها ومنازعة أصحابها ما خولهم الله، لقد خرجتم عما أمركم الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وخرجتم على إجماع أهل السنة والجماعة الذين تزعمون أنكم من أتباعهم وتفتخرون بالانتماء إليهم، والحقيقة أنكم إنما تنتمون إلى المعتزلة والخوارج الذين يجيزون الخروج على ولاة الأمر والإنكار عليهم بالسيف. إن أمركم العجيب، ووالله إنكم تربيتم في مدارس ومعاهد وجامعات مقرراتها على عقيدة أهل السنة والجماعة، فما الذي حولكم عن هذه العقيدة؟ Il lui dit, rappelle-toi, ô Cheikh, Cheikh Ahmed de dire à Aïd, rappelle-toi, ô Cheikh Aïd, toi et ceux qui sont avec toi sur cette même voie. Vous êtes en train de trahir les jeunes avec vos styles et avec ces styles que vous utilisez. Car le pays qui vous a, dans lequel vous vivez et qui vous a éduqué, dans ses écoles et dans ses instituts et dans ses facultés, et il a dépensé beaucoup d'argent pour vous, pour arriver au point et à votre situation dans laquelle vous êtes. Après, vous le remerciez. Et là, il y a une expression arabe. Vous le remerciez comme Sinimar. Sinimar est un maçon romain. Il a construit pour Nu'man al-Lakhmi un château. Et comme il a bien fait ce château, ce Nu'man al-Lakhmi ne voulait pas qu'il le construise pour quelqu'un d'autre. Il est monté avec lui pour lui montrer la beauté du château. Il l'a jeté de haut en bas. Et depuis, on dit, il a été récompensé comme Sinimar. C'est-à-dire, et cette expression, les Arabes l'utilisent pour dire de quelqu'un, il a été récompensé comme Sinimar, quelqu'un qui a fait du bien, qui, pour le bien, rend le mal. Hein, dans l'expression. Hein? Vous l'avez récompensé comme Sinimar, et vous désobéissez à Allah, au prophète, alayhi salam, en provoquant pour ce pays, et pour les gouverneurs de ce pays, des troubles, et en invitant et en appelant au fait de se révolter contre eux et en voulant concurrencer les gouverneurs pour la place que Allah subhanahu wa ta'ala il leur a donnée et pour le bien avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala il leur a et les a comblés, vous êtes sortis de ce que vous, Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes en contradiction avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné dans son livre et par la voix de son messager alayhi salatu wasalam, et vous êtes sortis du consensus des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, alors que vous prétendez à être des gens de la sunna et que vous suivez les gens de la sunna, mais en réalité vous appartenez plutôt à Mu'tazila, vous appartenez plutôt à Khawarij, qui rendent licite et qui permettent le fait de sortir contre les gouverneurs et de prendre les épées et de combattre les gouverneurs. Votre situation est extraordinaire. Par Allah, dit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, vous avez été éduqué dans les écoles et dans les instituts et dans les universités de ce pays, dont les programmes sont sur le dogme des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé? Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé? Fa fi hadha al-maqta ba'da an intaqadha al-shaykh kalimat Salman fi tahyij wa itarat al-awam dhidd dawlat umurihim fi al-mamlaka huna intaqala ila intiqad al-shaykh Aid al-Qarni fi qasida ghariba wa ajiba kama sami'tum wa hadhihi al-qasida manshura fi diwan wa liyakun fi 'ilm al-jami' أن الأخطاء إذا انتشرت لا بد من الرد عليها، وهذه القصيدة مشهورة ومنشورة في ديوان، اسمع لقوله: Donc, après que Cheikh Ahmed ait critiqué Cheikh Salman dans le fait qu'il allume les gens et qu'il les pousse à se révolter contre leur gouverneur, etc., hein, il est passé à une autre personnalité et à une autre tête d'affiche de cette voix qui est Aïd al-Qarni. Il le critique sur une poésie qui est connue, qui est étrange, cette poésie. Son étrangeté vient du fait de quelqu'un qui a été éduqué dans un pays du monothéisme et dans un pays où les lois d'Allah, Azza wa Jal, sont appliquées. Et cette poésie, elle est propagée dans un recueil et elle est entre les mains de tout le monde. Et il faut savoir que les erreurs, il est obligatoire de les refuter. Il est obligatoire que les hommes de science attirent l'attention, avertissent contre les erreurs, quand ils sont propagés. Hein? Et cette poésie, vous l'avez entendu ce qu'il a dit dans sa poésie. Hein? Tout ce mélange qu'il y a dans cette poésie, à tel point qu'à le troisième vers de cette poésie, il a rendu les musulmans ceux qui prient des curés. Hein? Donc, ça veut dire qu'il les a sortis de l'islam. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يُصَلِّي الْإِنسَانِ وَيَصُومُ وَيُقَالُ عَنْهُ أَنَّهُ قِسِّيسٌ قال لا تترك الساحة للأوغاد ما بين قزم مقرف يلوي الزمامة لا تخادعني بزي الشيخ هذا تهكم بمن؟ لا تخادعني بزي الشيخ تهكم بمن؟ تهكم بالعلماء أنت تآليفك للأموات تآليف الشيخ العتيمين تآليف الشيخ ناصر تآليف هذا للأموات ماذا تريد منهم؟ أن يكتبوا في السياسة وأن يكفروا الحكام. Donc, il dit aux musulmans, tu laisses le terrain pour ne me trahis pas avec ton habit de cheikh. Et ça, c'est une moquerie vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des hommes de science. Tes écrits sont pour les morts. C'est-à-dire que ce qu'a écrit Cheikh Ibn Baz, ce qu'a écrit Al-Albani, rahmatullahi alayhim, ce qu'a écrit Cheikh Al-Utaymin, Cheikh Mouqbil, Cheikh Rabi', Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, ce sont des écrits pour qui? Pour les morts. Hein? Qu'est-ce qu'il veut qu'ils écrivent? Tu veux qu'ils écrivent pour la politique? Fiqh al-Waqi', les actualités, de recopier les journaux, hein? Et qu'ils rendent mécréants les gouverneurs des pays de l'islam? Chaque jour, tu expliques un épître. C'est-à-dire que tout ce que fait Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad en expliquant Sahih Muslim, en expliquant Sunan Abi Daoud, ce que fait son fils, en expliquant l'Adab al-Mufrad, ce que fait Cheikh Suhaimi, en expliquant certains livres du Puzer, d'Allah Alim et les autres, Mashayir, Cheikh Al-Fawzan, etc. Ça ne sert à rien. Ils ne font qu'en rajouter ténèbres sur ténèbres. C'est ce qu'il dit dans le poème. Qu'avec leurs explications, ils mettent un voile et une barrière et des ténèbres. A'oudou billah. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fa hada alladhi yaqulu hada tarabba fi bilad at-tawhid. Walakin kayfa wasala ila hada al-hadd? Wasala ilayhi bi kutubi Sayyid Qutb wa Muhammad Qutb. وهؤلاء الحراكيون هم الذين حولوا هؤلاء وهذه الخطب النارية وهذه الكتب الثورية هي التي قلبت الموازين عند أولئكم الذين تربوا في أحضان التوحيد وأحضان السنة. Mais comment des gens comme Aïd, comme Salman sont arrivés à ça alors qu'ils ont été éduqués dans le giron d'un pays qui s'occupe du monothéisme. Ils ont été éduqués par le monothéisme, par la sunna, etc. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont changé? Ce qui a fait qu'ils ont changé, c'est quand se sont immiscés les Mohammed Qutb et compagnie dans l'enseignement, dans la en Arabie Saoudite. Il y livre de Mohammed Qutb et de Sayyid Qutb et de ceux qui sont sur la même voie qu'eux. Hein? Et de tous ces militants. Hein? Et ces prêcheurs et ces hommes qui montent sur le manbar et qui enflamment le manbar avec des khotabs qui sont du feu. Hein? Des khotabs qui provocatrices et qui allument les gens et qui installent la haine dans le cœur des gens pour les gouverneurs et pour les hommes de science. C'est comme ça que les repères ont été renversés, ces gens-là. S'il est arrivé à eux, alors, qui sont nés dans le pays du monothéisme, qui ont étudié, qu'est-ce qu'il en est pour nous autres petits ministres qui sommes là, qui a personne, on n'a pas d'institut, on apprend le monothéisme, on n'a rien. Qu'est-ce qu'il arrive pour nous? Nous devons encore être plus vigilants qu'eux. C'est eux, avec la science, la maîtrise de l'arabe, ils sont arrivés à ce degré-là. Alors on doit se poser des questions, nous, pour nous. C'est-à-dire que nous, on est encore plus en danger parce qu'on est à la remercie de n'importe quel beau parleur au niveau de sa traduction. Hein? On est à la remercie de tout un chacun qui vient et dit « Allah Zid ». Et regardez, les exemples sont nombreux. Là, la jeune convertie avec son mari qui sont partis d'ici en Irak, qui sont devenus la chair à canon, victime et autres. C'est quoi? Simplement, qu'est-ce qui est? Comment c'est arrivé? Un démagogue, un beau parleur qui est passé par là, il a uriné dans leurs oreilles que le paradis est proche, et voilà, il les a entraînés à leur perte. انظر هذا التشبيه فوقفنا عند كلام الشيخ الذي يقول الله المستعان لا تظن أن الناس يجهلون يقول الشيخ أحمد لا تظنون أن الناس يجهلون الذي حولكم إن الذي حولكم هو التنظيم الإرهابي السري الذي اشتركتم فيه وغسلت أدمغتكم فكنتم كما كنتم وإنا لله وإنا إليه راجعون. Cher de dire, de leur dire, ne croyez pas que les gens ne savent pas, sont ignorants de ce qui se trame autour de vous. Ce qu'il y a autour de vous, c'est l'organisation secrète, l'organisation terroriste secrète, hein, dans laquelle vous êtes associés. Et votre cerveau a été lavé, on vous a fait un lavage de cerveau dedans, et vous êtes ce que vous êtes maintenant. Et vers Allah. Allah, nous appartenons vers Allah, nous allons revenir. سادسا يقول الشيخ حفظه الله تعالى أنت في الأربعة الأبيات الباقية مما أوردته هنا تزهد في العلم الذي لا ينصهر في بوتقة الثورية التي رضيتم بها دينا بدلا عن حنيفية إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام فتقول لا تخادعني بزي الشيخ ما دامت الدنيا بلاء وظلامة أنت تأليفك للأموات ما أنت إلا مدنف حب الكلام. Donc le sixième point que lui reproche, il dit, toi dans les quatre derniers vers, tu as fait des vers de lesquels tu éloignes les gens de la science et les hommes de la science. Cette science qui ne correspond pas à vos idées révolutionnaires, vous éloignez les gens. Et ils sont dans ces quatre vers, c'est une invitation à se détourner de la science. Hein? Parce que c'est cette science qui est la science du livre d'Allah et de la voix du prophète alayhi salam et de la hanifia d'Ibrahim alayhi salam ne va pas de pair avec vos idées révolutionnaires. Donc c'est normal que vous dégagez les gens, vous faites barrière entre les jeunes et cette science. Et dans le poème où il dit, ne me trahis pas avec le vêtement d'El Cher, comme tu as entendu. Sabi'an, ja'alta mu'alajat al-ta'lif halak, wa fa'il dhalik mushrif 'ala al-halak, lianna kalimat mudannaf innama tuqal liman huwa mushrif 'ala al-halaka, yuqal marid mudannaf. فأنت جعلت من يمارس التأليف والتعليم ويصرف جل أوقاته فيه ولا يشترك في توريتكم جعلته مشرفا على الهلاك. أعوذ بالله. Donc, Cheikh, septième point que lui reproche Cheikh, il lui dit, tu as fait que celui qui écrit et qui passe son temps à écrire des livres de la science, qu'il est sur la pente de la perdition. car le terme mudannaf en langue arabe, il n'y dit que celui qui est sur la pente de sa perdition. On dit d'un malade qu'il est mudannaf, hein, ça y est, il va vers sa perte. Hein? Et Salman, dans sa poésie, a fait que ceux qui écrivent, hein, et qui passent leur temps à écrire pour la communauté, sont sur la voie de la perdition. Tous nos savants qui ont écrit, hein, tous ces livres que vous voyez dans, dans le centre, bah, sont sur la pente de la perdition. وأقول يقول الشيخ أحمد إنكم بذلك قد أعدتم بدعة الخوارج والمعتزلة ولا تغضبوا على من قال إنكم مبتدعة. الشيخ حفظه الله تعالى يقول ainsi, en agissant ainsi, vous avez fait revivre l'innovation de الخوارج et de المعتزلة. Et ne soyez pas fâché de quelqu'un qui dit de vous que vous êtes des innovateurs. Hein? Ne prenez pas la mouche. Quand quelqu'un vous traite d'innovateur, il ne faut pas prendre la mouche. Parce que vous avez fait vivre l'innovation d'Al Khawarij d'Al Mubtadi'a. Taminan. Fima akhada Sheikh Ahmed ala Sheikh Ha'id fi. قد جعلت الفقه الإسلامي تعلمه وتعليمه قتاما والقتام هو الشيء الذي يمنع الرؤية ويمنع وضوحها كالغبار وما أشباهه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين ألا ترى أنك قصدت عكس الحقائق الشرعية في قصيدتك هذه أعمتك الحزبية وأعمتك الثورية وانعكست الحقائق في بصيرتك فإنا لله وإنا إليه راجعون. 9e point. 8e point de critique dans la critique de Cheikh Ahmed à la poésie de Haïd. Il dit tu as fait que la jurisprudence musulmane, son enseignement et le fait de l'apprendre est une barrière qui empêche la vue comme la poussière ou la autre. Et qui empêche la clarté de la vue. Alors que le prophète alayhi salam a dit, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Hein? Et cher d'interpeller Haïd et de lui dire, n'as-tu pas vu qu'avec ce que tu as fait, tu as voulu le contraire de la réalité de la législation dans ta poésie. C'est-à-dire que ta poésie est en train de décréter le contraire. Ce qu'a instauré la législation d'Allah et de son messager, alayhi salam. Il lui dit, c'est ton sectarisme et ton partisme pour ton parti qui t'a aveuglé. Et c'est les idées révolutionnaires qui t'ont aveuglé. Hein? Tasi'an. المأخذ التاسع ثم تختم جولتك في نصرة الباطل ومحاربة الحق بقولك والحواش السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي عسامة. ألا ترى أنك بهذا نصرت الباطل وخذلت الحق بل كنت في عداد من يصدون عن سبيل الله فهل من توبة صادقة يا عائض هل من رجوع إلى الله يمحو به عنك سابق الأوزار والله إني ناصح لك. هذا قول الشيخ أحمد حفظه الله تعالى يوشك فاتت 80 سنة الشيخ حفظه الله تعالى. إلدي dans sa critique, le 9e point, je vais résumer ma critique et lui dit, tu as résumé ta poésie en faisant triompher le faux et en combattant le bien. En faisant triompher le faux, en combattant le bien, comme tu as dit, et les marges noires t'as rempli alors que tu avais peur de l'injuste. Hein? Il lui dit, est-ce que, ne vois-tu pas que là, tu es en train de faire triompher le faux contre le bien. Tu es en train de faire triompher le faux et de détourner des biens. En agissant ainsi, lui dit Cheikh Yahya, tu es en train, Cheikh Ahmed Hafidhahullah Ta'ala, tu es en train d'être parmi, de rentrer dans le groupe de ceux qui détournent de la voie d'Allah Azza wa Jal. Et lui dit, est-ce que il n'est pas temps que tu fasses un repentir sincère au Haïd. Est-ce que tu ne vas pas vers un retour avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala il efface tout ce qui est passé là, tout ce mal qui est passé. Il lui dit par Allah, je suis conseilleur pour toi. Et je ne veux que le conseil pour toi. Cheikh, c'est un homme de science qui a dépassé les 80 ans. Hein? Il ne cherche pas à se montrer au gouverneur ou là, avoir une place ou là, là. Indac. Hein? Parce que les ambiguïtés des minus autour de nous sont nombreuses. Là, il est en train de caresser le gouverneur au sens du peuple. Là, Akhal Islam. Hada, il ne caresse pas. Hada, il fait partie. Cheikh Yahya, on a fait beaucoup d'alik. Un Cheikh Cheikh Bin Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Utaymin, Cheikh Rabir, Cheikh Al-Fawzal, Rodayan, etc. Ils font partie de ces savants qui sont les Rabbaniyous, les éducateurs de la communauté qui disent la vérité, qu'on déplaise à qui que ce soit. Et ils défendent la religion de Allah Azza wa Jal. وأخيرا لهذا أمثلة في كلام أصحاب هذا المنهج التكفيري الثوري في نظمهم ونترهم هدانا الله وإياهم وعفى عنا وعنهم ووفق الجميع لاتباع سبيل الحق ومجانبة البدع وردهم وردهم إلى سبيله ردا جميلا. Il dit à la fin, l'exemple de ces gens, des paroles de ces gens qui appartiennent à la voie du kafir et à la voix de la révolution, etc. Leurs paroles sont nombreuses, que ce soit dans leur poésie ou là dans l'écriture qui n'est pas la poésie, on l'appelle comment en français? Nefr. Hein? Et il dit, Hafidallah ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala les guide et qu'il leur pardonne ainsi qu'à nous, et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte qu'ils reviennent à suivre la voie droite et qu'ils s'éloignent de l'innovation et que Allah subhanahu wa ta'ala le ramène vers son chemin. Hein? Et il dit, Hafidallah ta'ala, وإني لأعجب من أقوام يدافعون عنهم ويتعاطفون معهم وهم يعلمون بعض ما هم عليه ولا أرى من يفعل ذلك إلا آتما كإتم من يرى قوما يزرعون ألغاما في طريق قوم مسلمين ليودوا بحياتهم بغير حق فسكت حتى ثار اللغم فيهم وأهلكهم. يلدي حفظه الله تعالى مونيتونمون ne s'arrête pas devant des gens qui défendent ces personnes et qui ont des sentiments pour ces personnes alors qu'ils savent la voie sur laquelle ils sont, cette voie qui est en divergence avec la voie de nos plus ardents d'Allah. Et il dit, je vois que celui qui agit ainsi, il est dans le péché. Il est comme celui qui voit un homme mettre des bombes sur le chemin des musulmans pour qu'il les tue. Il dit rien, il se tait jusqu'à ce que ce qui a été planté comme bombe tue les gens et fasse périr les gens. فانظر هذا التشبيه من الشيخ حفظه الله تعالى. هذا الشيخ المبارك انظر تشبيهه يقول الذي يسكت عن هذه الأخطاء ويرضاها ويتعاطف مع أصحابها ولا يرضى أن ينتقدهم أحد هذا آتم غاش للمسلمين كالذي يرى شخصا يزرع الغرس في طريق المسلمين ويسكت حتى يهلكوا. Regarde maintenant dans ce passage comment cette image, cette ressemblance qu'a fait Cheikh. Il dit que ces gens-là, les gens qui voient le mal dans les paroles de ces gens et dans leurs actes, etc. Et qui se taisent sur ce mal et qu'ils agréent ce mal par sentiment vis-à-vis de ces gens, il est dans le péché. Et que c'est quelqu'un qui trahit les musulmans. Il est comme celui qui dépose une bombe sur le chemin des musulmans pour les tuer. Il dit, et celui qui le voit ne dit rien. La même chose. Hein? Comme quelqu'un qui a vu quelqu'un poser une bombe dans un coin pour tuer des innocents musulmans et il dit rien, il se tait. Il dit, Hada, c'est comme celui qui se tait sur les erreurs de ces gens. يقول حفظه الله تعالى إن السكوت عمن يبيت الشر للمسلمين ويريد الإيقاع بهم ما بين حين وآخر خيانة عظمى للمسلمين وإن النصيحة للمسلمين في هذا البلد المسلم الطيب والنصيحة لأئمة المسلمين فيه من ولاة وعلماء أن ينبهوا على مواطن الشر قبل وقوعه ولسنا نشك أن عندهم شيء من العلم عن بعض ما يبيته هؤلاء العققة والعققة جمع عاق ولكننا نرى أن الواجب علينا أن نؤدي ما عندنا لتبرأ ذمتنا وليتأكد الخبر بالخبر ويزداد قوة والله من وراء القصد. Il dit, Hafidhahullah ta'ala, le fait de se taire sur quelqu'un qui a en lui le mal contre les musulmans et qui veut faire tomber les musulmans dans le mal, il voit que ceci agir ainsi est une grande trahison, est une énorme trahison pour les musulmans. Et il dit, le conseil pour les musulmans dans ce pays, en parlant en Arabie Saoudite, mais c'est aussi général pour tous les autres pays, le conseil, c'est, et le bon conseil, c'est de conseiller les imams de la communauté, parmi les savants et parmi les gouverneurs, et qu'on attire leur attention sur le mal avant qu'il arrive. Et il dit, je n'ai aucun doute que les gouverneurs connaissent ce que manigancent ces gens-là, et ce que manigancent ces désobéissants. Mais il dit, il fait partie de notre devoir, hein? Il dit, il faut que je m'acquitte de mon devoir aussi, hein, pour que la situation devienne encore plus claire. Et pour que celui qui est à la tête soit à une image très claire de la situation. Hein. Et il dit, nous voulons avec ça l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et ceci, je crois, les hommes de science le font. Le conseil, le fait d'attirer l'attention des gouverneurs sur le mal qui va découler de pensées d'un groupe, ou des pensées d'un homme, ou des écrits d'un homme, etc. Regardez par exemple, prenez le livre d'Al-Irhab, d'Al-Sheikh Zayd. À la fin, c'est un conseil à l'État pour que certains livres ne soient pas vendus dans le pays. Et c'est un conseil à tous les éditeurs et aux vendeurs de livres dans les librairies de ne pas vendre ces livres. Pourquoi ? C'est le conseil pour qui ? Pour toute la communauté, pour les lecteurs. Et pour aussi ceux qui éditent ces livres, qu'ils ne contribuent pas dans le péché et qu'ils ne contribuent pas dans la destruction de la communauté et dans la propagation du mal et des perturbations et des ambiguïtés dans l'esprit des jeunes et dans la communauté. Enfin, les hommes de science accomplissent leur devoir. Mais ceux qui disent que les hommes de science n'accomplissent pas leur devoir sont tout simplement ceux qui ont les idées révolutionnaires. Ils ne supportent, ils ne veulent que leurs idées triomphent. Hein? Si le savant parle comme eux, ben c'est bon. S'il ne parle pas comme eux, il ne voit pas le fait de se révolter contre le gouverneur. Il les ramène à la réalité, une réalité très importante. Tu vois, les jeunes adeptes de ce groupe sont des jeunes qui ne maîtrisent pas le biaba de là. Regarde-les dans leurs prières comment ils sont. Pourtant, le khawarij d'avant, le Rasoul a dit aux compagnons du prophète, vous allez mépriser votre prière devant leur prière. Ils priaient. Et ils jeûnaient beaucoup. Regarde les jeunes Tkfiri maintenant, les jeunes Qatbi maintenant. Comment leur stéréotype, c'est quoi? Jean serré au pantalon moulé avec une... Subhanallah. Et des fois, ils traînent leurs pantalons. Ils kfirent le hukam, ils kfirent les musulmans. Pourtant, lui, il n'a pas mis en application une loi d'Allah. Azzawajal qu'il peut mettre. C'est le fait de ne pas dessiner ses formes et de s'habiller de quelque chose de large, hein, et de ne pas traîner ses vêtements par terre. Regarde les sororés, les tkfiridels qui sont autour de toi, regarde comment ils sont. Hein? Regarde comment ils sont. Ils sont en divergence. Ils sont en divergence. Alors que les khawarij, nous, on ne dit pas que le khawarij était sur le bien, mais les khawarij d'avant sont mieux que ceux-là. Les khawarij d'avant ne montaient pas. Ne basaient pas leurs actions sur le mensonge parce qu'ils voyaient que le mensonge est un péché capital. Donc ils ne l'utilisaient pas. Alors que Hadou dit non, Hadou, le mensonge, il est permis chez eux. Ils mentent sur beaucoup de situations. Hein? Ils traînent leurs pantalons et plein de choses. Hein? Mais ils n'ont de critique que sur les hommes de science et sur les gouverneurs du pays. Ils n'ont d'ennemis sur cette terre, l'Arabie Saoudite, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymeen, Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Ubaykal, Cheikh Al-Fawzan. Yahi, t'arrives même pas à la poussière qui tombe de leurs pieds. Tu ne maîtrises même pas le biaba de la langue arabe. Et tu parles de montagne de science. Crains Allah Azza wa Jal, reviens à ta raison. Ne va pas trop loin. Reste à ta place. Apprends ta religion. Évolue dans ta religion. Éduque-toi. Éduque ta femme, éduque tes enfants. Hein? donne une bonne image de l'islam, il y a un bon comportement, le comportement que t'a enseigné le prophète alayhi salam. يقول الشيخ حفظه الله تعالى هذه المقدمة جعلتها لكتاب المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال ركزت فيها على مسألة الخروج على الولاة ومنازعة ما خولهم الله عز وجل من سلطان وبينت بالدليل بطلان زعم من زعم جواز ذلك نظرا لأهمية هذه المسألة وعمق أثرها في الدين والمجتمع والله أسأل أن يتولى الجميع بحفظه ويرعاهم برعايته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Il dit Cheikh Hafidhahu Allah Ta'ala, cette introduction je l'ai fait pour mon livre La source douce et abondante dans ce qui a été dans les critiques pour certains voix d'El Dawa et certaines croyances et certains actes. Il a dit ici dans cette introduction, je me suis appuyé, j'ai attiré l'attention sur le problème du fait de se révolter contre le gouverneur et le fait de concurrencer le gouverneur sur les bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il l'a comblé. Et j'ai montré avec les preuves comme quoi c'est faux le contraire. C'est-à-dire, ceux qui prétendent qu'il est permis de sortir et de se révolter contre le gouverneur est faux. Et il dit, si je me suis attardé là-dessus, c'est pour l'importance de ce sujet. Et que ça a un impact très important dans la religion et sur la société. Et après, il fait dua pour la communauté, il termine avec la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Et là, il y a un dernier passage qui ramène un éclaircissement sur un entretien qu'il y a eu entre Cheikh A'ed et Cheikh Ahmed. فيقول حفظه الله تعالى ملحوظة observation بعد أن كتبت هذه المقدمة وقدمتها للطبع وصلتني نشرة مرسلة من الشيخ عائض بن عبد الله القرني وفقه الله تحوي تلك النشرة تراجعه عن 17 مسألة عنونها بعنوان المراجعات وكان الأولى أن يقول تراجعات قال في صفحة 5 من النشرة المذكورة السابعة ما قلته في لحن الخلود صفحة 47 من قصيدة طويلة بعنوان دع الحواشي واخرج ومنها أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة قال فهذا خطأ مني أستغفر الله منه وقد سبق أن ذكرت أن هذه القصيدة قلتها وأنا طالب بالمعهد العلمي بالسنة الثانية الثانوي فيقول الشيخ تعقيبا على هذا الكلام وأقول هل تذكر يا عائض أني قلت حينما مررت علي في خيمتي بعرفات من حج سنة 1416 للهجرة وجرى بيننا النقاش حول بعض الأخطاء التي صدرت منك واحتجيت بهذه الحجة أي أنها أنك قلتها وأنت طالب في المعهد فقلت لك ولم سمحت بطبعها ونشرها فسكت فهل هذا عذر كتبتها وأنا في الثانوي ولكن طبعتها ونشرتها هذا ليس بعذر donc ici une observation de la part de Cheikh il dit حفظه الله تعالى Cheikh Ahmed quand j'ai écrit cette introduction et j'ai donné le livre à l'imprimerie il m'est arrivé une lettre quelque chose qu'a publié Cheikh Aïd al-Qarni عائض بن عبد الله القرني الله سبحانه وتعالى وفقه الله كما يقول الشيخ يقول dans cette risala qu'a reçu Cheikh il y a concerne 17 points et le titre de cette risala c'est marqué dessus révision et il dit mais ce qu'il fallait écrire dessus c'était revenir des erreurs et non pas révision parce qu'il ne s'agit pas de révision, il s'agit de revenir des erreurs, il ne s'agit pas de révision. Et quand il a dit « Mourajaat », Cheikh lui a dit « Tu aurais dû dire « Tarajaat », revenir des erreurs, et non pas révision. » Et il a dit, au septième point, à la septième révision, qu'il a dit, comme il a dit, Cheikh Aïd, « Ce que j'ai dit dans l'Ahl al-Khuloud, c'est-à-dire dans cette poésie, dans ce recueil de poèmes, dans cette langue, à la page 47, dans cette longue poésie qui porte le titre « Laisse les marges et sort », le titre déjà il est « Herkhorj ». Tu as un curé parmi les curés. Ahmed t'a désavoué et toi tu n'es pas d'Ahmed. Donc ça veut dire qu'Ahmed, il t'a désavoué. Ça te suffit les lamentations. Et Cheikh Aïd de dire, ça c'est une erreur de ma part. Je me reprends à Allah Azza wa Jal. Et il dit, mais auparavant j'avais déjà dit que cette poésie, je l'ai écrite alors que j'étais étudiant à l'institut secondaire, quand j'étais au secondaire. Cheikh Ahmed lui dit, ô Aïd, rappelle-toi, quand tu es venu me rendre visite ce matin à Arafat, le jour de Arafat, au long 1416, c'est-à-dire pendant le pèlerinage de l'année 1416. Il y a combien de ça? Il y a 12 ans. Et il y a eu un débat entre nous deux sur tes erreurs. Et tu as pris comme preuve, à cette époque, tu m'as dit que ce que tu as écrit, ce que tu as dit, tu l'as dit alors que tu étais à l'institut. Je t'ai dit que ceci, ce n'est pas une preuve. Pourquoi tu l'as édité et qu'il est propagé, et tu l'as propagé. Et tu t'es tu. C'est-à-dire quand Cheikh Ahmed lui a dit, pourquoi tu les as édités? Pourquoi ils sont propagés? Aïd, il s'est tu. Maintenant, regarde-toi. Est-ce que, comme dit Cheikh Abou Malik, en commentaire à ce passage, il dit, est-ce que ça, c'est une excuse? Je l'ai écrit quand j'étais étudiant, au secondaire, Et il a été édité, point final. Ce n'est pas une excuse. والمهم يقول الشيخ أحمد المهم أن هذه الحجة ليست بحجة فإذا كنت قلتها قبل أن تكتمل بنيتك العلمية كان الواجب عليك أن تعدمها وأن تعرف أنها خطأ حتى لا يجدها بعض أبنائك فيغتر بها والحق أن نشرها يدينك والتوبة تجب ما قبلها ثم أنت تركت البيت الذي تقول فيه صلي ما شئت وصنف الدين لا يعرف العابد من صلى وصام. Et lui dit, l'essentiel, c'est que la preuve, ce que tu dis, ce n'est pas une preuve. Si tu as dit ça avant que tu sois mûr au niveau de la science, avant que tu sois arrivé à un degré de science, il est de ton devoir de détruire cette poésie. Alors que tu sais que c'est qu'il y a des erreurs dedans. Comme ça, tes enfants ne vont pas tomber dessus et se faire avoir par cette poésie. Et il lui dit, mais la réalité, c'est que le fait que tu la propages, ceci est contre toi, est une preuve contre toi. Et il lui dit, le repentir couvre ce qui est passé auparavant. Et il lui dit, mais tu as laissé dans cette poésie quelque chose. Tu as laissé ce terme qui dit, prie ce que tu veux et jeûne, car la religion ne connaît pas ne reconnaît. Pour la religion, ce n'est pas celui qui prie, qui jeûne, qui est l'adorateur. Et lui dit, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, sur ce vers qui est resté dans le recueil. وهذا البيت ليس بأقل شناعة مما بعده في الفرية والقول على الله وعلى رسوله بغير ما قال. Il dit, ce poème que tu as laissé, il est pas au moindre degré que celui que tu as enlevé. Fait de dire quelque chose sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur son messager alayhi salatu wasalam alors qu'ils l'ont pas dit. Wa yashhadu Allah anni farihtu bi tawbati wa yaqul ash-shaykh wa yashhadu Allah anni farihtu bi tawbati a'id wa bashirtu biha tullabi fi al-halqati ala khabarin fi al-hatif min tiqa. Hada tiqa man huwa? Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahmatullah. Huwa alladhi basharahu fi al-hatif. فرحت بتوبة الشيخ عائد وبشرت بها طلابي في الحلقة على خبر في الهاتف من ثقة والثقة هو الذي كتب جمع الكتاب وكتب الترجمة للشيخ وهو الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ويقول الشيخ بن هادي في التعليق سوف ترى أخي القارئ بعض التعليقات اللازمة في بعض المواطن ليست من صنيع شيخنا المؤلف وقد أدن لي فيها جزاه الله خيرا وقد ميزتها عن تعليقاته بوضع اسمي عليها أداء للأمانة العلمية. Donc, Cheikh Abdallah, il dit, je prends comme témoin Allah Azza wa Jal que j'étais réjoui quand j'ai entendu parler du repentir de Cheikh Ra'id. Il a dit, il m'a été annoncé par téléphone par quelqu'un de confiance. Le quelqu'un de confiance, c'est Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, qui est son élève, qui a réuni cette matière de ce livre et qui a écrit une biographie du Cheikh. Et en même temps, il a fait des annotations sur ce livre et ces annotations qu'il y a en bas, qu'on lira aussi avec le livre, Cheikh Yahya Ahmed ibn Yahya al-Najmi est d'accord dessus. Il lui a autorisé de les faire. Donc c'est lui qui lui a dit au téléphone directement. Et lui, il l'a annoncé directement à qui ? À ses élèves. Il était content de l'annoncer. Il était content de repentir dans notre musulman. Et ça, c'est la voix du puiseur d'Allah. Dès que quelqu'un revient à la vérité, ils sont contents. Ils le propagent. Ils se réjouissent. Parce que Nasiha, ils veulent avec. Il a critiqué des erreurs. Ils veulent sauver la personne. Ils ne veulent pas détruire la personne. Ils veulent la sauver. فقال حفظه الله تعالى فرحت بتوبة الشيخ عائد وبشرت بها طلابي في الحلقة على خبر في الهاتف من ثقة قبل أن تصلني النشرة ولكن الباطل واجب على من عرفه أن يرده. Et quand il a annoncé, il a dit aussi, il était content et il a reçu, après le coup de téléphone, après il a reçu l'écrit de Cheikh Aïd. Mais il dit le faux, il est obligatoire pour celui qui le connaît de le refuter et de le critiquer et de montrer comme quoi il est faux et d'attirer l'attention sur le faux. لذلك فقد قررت أن أنشر ما كتبته في هذه المقدمة عن قصيدة الشيخ عائض والحق أحق أن يتبع وأن يقال به وإن أسخط الناس فإرضاء الله ونصرة دينه مقدم على إرضاء كل أحد والباطل الذي رددت عليه قد نشر إلى أقاصي الدنيا وما زال منشورا والمهم أن يعرف طلاب العلم الحق من الباطل وبالله التوفيق. يلدي حفظه الله تعالى après avoir reçu cette lettre de عائض. Et il est obligatoire pour celui qui connaît le faux d'attirer l'attention sur le faux et de refuter ce faux. Il a dit, c'est pour ça j'ai soutenu, j'ai confirmé ce qu'il y a dans ce livre. Et Cheikh dit, je confirme ce qu'il y a, je maintiens ce que j'ai écrit dans ce livre après avoir reçu la lettre de Aïd, il maintient ce qu'il y a dans le livre et il l'a édité. Et il dit, et la vérité, c'est elle qu'il faut mettre en priorité, c'est elle qu'il faut suivre en priorité. Même si cette vérité rend mécontent des gens, parce que ce qui est voulu, c'est le contentement d'Allah Azza wa Jal. Et le fait de triompher sa religion, le fait de contenter Allah, et d'être agréé chez Allah Azza wa Jal passe avant, en priorité, devant que le fait que les humains t'agréent ou là que tu contentes les humains. Et il dit, le faux sur lequel j'ai fait mes répliques et que j'ai refuté et j'ai critiqué, il a été propagé à travers le monde entier. Et il est encore propagé ici en Belgique. Tu trouves la première version d'Yal, l'Ahl al-Khulud, avec les erreurs dedans. Et il dit, l'essentiel, c'est que les demandeurs de science et ceux qui cherchent la vérité connaissent le faux. Et il dit, Allah, y'a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui appelle. Et il faut savoir une chose, c'est que les erreurs d'Yal Aïd sont nombreuses. Mais lui, dans Nashra, dans ce qu'il a envoyé, il a dit, Mourajat, révision de 17 points. Sur 17 points. Ça, c'est très important à savoir aussi. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Wa ahsallahu alaykum. Wa jazakum Allahu khairan. Et on se retrouve, Inch'Allah, jeudi après Salat al-Isha.